Chapitre 13. Vers le 15 janvier de la même année, je m'en souviens comme si c'était hier, nous reçûmes une terrible nouvelle. Ma mère, Laure et moi, nous étions assis le soir près du feu, moi entre ces deux chères créatures, et nous parlions d'Henriette et de Caius Schweitzer. Nous n'avions certes aucune inquiétude sur leur destinée. Ma mère les croyait déjà millionnaires. Tous deux étaient jeunes, bien portants, et le climat des États-Unis est le plus sain de l'univers. Cependant, sans savoir pourquoi, nous étions plus préoccupés qu'à l'ordinaire et même, sans le vouloir, je me laissais aller à des pensées mélancoliques. « Il fait bon ici, » dis-je enfin. Le vent siffle avec violence dans le jardin et dans la vallée. La flamme brille au foyer. L'on a chaud au corps et au cœur. Je voudrais que ce grand Flandrin de Caius fût ici avec Henriette. Il ne manquerait plus rien à mon bonheur. Comme je parlais, le facteur entra et remit à ma mère une lettre timbrée de la Nouvelle-Orléans. C'était l'écriture de ma sœur. « Voyons ce qu'elle mande !» s'écria joyeusement ma mère en rompant le cachet. « Je parie qu'elle nous annonce son arrivée prochaine avec des barriques remplies de dollars. Lis-moi cela, Gaston Phoebus. Je n'ai pas mes lunettes. Voici cette fatale lettre. Comment vous annoncez, chère mère, le malheur qui vient de nous frapper ? Nous sommes ruinés, mais ruinés de fond en comble et de manière à ne nous en relever jamais, du moins dans ce pays. À peine si nous y trouverons de quoi vivre. Vous vous souvenez sans doute des grandes espérances que nous faisait concevoir notre cornac, M. Semmy Burton, du Connecticut, homme pieux et craignant le Seigneur, et suivant la voie droite comme il s'en vantait lui-même. En effet, pendant 2 ou 3 mois, nos affaires étaient en fort bon état. Caius entassait les dollars par milliers, et notre gloire, j'entends la gloire de la princesse Raevskoï Préobage, croissait en même temps que notre fortune. Tout à coup, un terrible accident est arrivé et nous a replongés dans la misère. À 30 lieues au-dessus de Caire, sur le Mississippi, le bateau à vapeur Tennessee, sur lequel nous étions embarqués, s'est mis sautement à lutter de vitesse avec un autre bateau d'une compagnie rivale. Capitaine et passagers se sont crus engagés d'honneur à ne pas céder. L'équipage, excité par les cris des passagers, a si bien travaillé qu'au bout d'un quart d'heure, la chaudière éclatait. Le bateau Tennessee a coulé à fond au milieu du Mississippi. Sur 300 ou 400 passagers, les 2/3 ont péri. Le reste est à demi brûlé ou s'est échappé à la nage. Caius, jeté par l'explosion à une grande distance et frappé d'un éclat de bois dans la poitrine, a regagné péniblement le rivage. Pour moi, plus heureuse, je fus saisie par un jeune Yankee qui croyait, je pense, sauver la fameuse princesse Raevskoï Préobage et qui me ramena à terre presque évanouie, mais sans blessure. Malheureusement, tous nos bagages étaient au fond du Mississippi, et en particulier 80 000 $, fruit de nos économies. Plus malheureusement encore, M. Semmy Burton s'était noyé, et nous n'avions plus ni argent, ni associés, et même, je dois le dire, nous n'avions plus de courage. Mon pauvre Caius, assez grièvement blessé d'ailleurs, n'a pu supporter qu'à grand-peine le transport jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Il guérira, je le sais, le chirurgien l'assure, et Caius est déjà en état de se lever. Mais avec quelle difficulté! Nous voilà retombés du haut de nos rêves. Peut-être aurions-nous retrouvé assez aisément un autre Semmy Burton, car le pays en est plein. Mais Caius, qui n'est pas heureux, comme vous savez, a eu le malheur de rencontrer ici 2 ou 3 Poméraniens de sa connaissance à qui il a tout de suite, avec sa candeur ordinaire, raconté toute notre histoire. Ces Poméraniens, soit par jalousie de nos anciens succès, soit par stupidité ou malveillance naturelle, ont répété partout le récit de Caius, de sorte que les journaux de la Louisiane, heureux de trouver un petit scandale et de se moquer de la crédulité de leurs concitoyens du Nord, en ont fait un tapage effroyable. Si nous avions eu de quoi payer notre passage, nous serions repartis pour l'Europe. Caius, réduit à la dernière extrémité, s'est fait accepter comme corps au Théâtre français. Il entrera en fonction dans 8 jours, et moi je donne ici à des jeunes filles créoles des leçons de piano, dont elles profitent Dieu sait comment. Adieu, chère et bonne mère. J'espère que vous êtes plus heureux que nous là-bas, et je vous embrasse bien tendrement, toi, Gaston Phoebus et Laure. Henriette Schweitzer. Nous restâmes quelque temps sans parler, tant cette lecture nous avait consternés. Ma mère, surtout, en fut frappée au cœur. Comme elle avait l'imagination très vive et une sensibilité exquise, elle se représentait avec une force extraordinaire tous les malheurs qui pouvaient s'accumuler sur la tête de ma pauvre sœur en pays étranger. Elle voyait déjà Caius mort, Henriette abandonnée et misérable. L'exil s'ajoutait à toutes les autres douleurs. Ces images terribles lui causèrent une impression si vive qu'elle fut attaquée la nuit suivante d'une fièvre cérébrale et qu'elle mourut quelques jours après en appelant Henriette dans son délire. Laure et moi, nous nous trouvâmes seuls sur la terre.